C'est le temps de Dieu. Ah, merci pour la révélation. La Bible déclare que chaque chose en son temps. Et le temps de ta prospérité est arrivé. C'est le temps de Dieu. Le temps de ton élévation est arrivé. Alors réjouis-toi, mon frère, ma soeur, car voilà le temps de Dieu. Le temps de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé. La Bible dit que chaque chose en son temps. Le temps de Dieu est arrivé. Maman Véronique Dico, le temps est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé. Pour ton élévation. Le temps de Dieu est arrivé. Assainis-nous sans peine. La Bible dit que chaque chose en son temps. Le temps de Dieu est arrivé. Maman Grâce, félicité. Que Dieu t'accompagne. Le temps de Dieu. Un temps pour pleurer, un pour se réjouir, un temps pour semer, un pour récolter. Le temps de Dieu est arrivé pour toi, mon frère. Le temps de Dieu est arrivé, est arrivé. Pas réussi. Les gens ont dit que tu n'allais pas percer, mais voilà, le temps de l'élévation est arrivé. C'est le temps de Dieu. Les gens ont dit que tu n'allais jamais travailler. Ils ont menti. Les gens ont dit que tu n'allais jamais te marier là. Ils ont menti. Les gens ont dit que tu n'allais jamais voyager. Ils ont menti. Les gens ont dit que tu n'allais jamais prospérer. Ils ont menti. Voici venu le temps de ton papa. Voici venu le temps de ton sauveur. La Bible dit chaque chose en son temps. Le temps de Dieu est arrivé. Les gens ont dit que tu n'allais jamais enfanter. Ils ont menti. Les gens ont dit que tu n'allais jamais avancer là. Ils ont menti. Les gens ont dit, je t'assure, ils ont dit. Ils ont menti. Les gens ont dit que tu n'allais jamais réussir. Tu n'allais jamais percer là. Tu n'allais jamais travailler. Ils ont menti. Voici venu le temps de ton papa. Voici venu le temps de son sauveur. La parole dit, chaque chose en son temps. Le temps de Dieu est arrivé. C'est le temps. Le temps de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé. La Bible dit que chaque chose en son temps. Le temps de Dieu est arrivé. Chaque chose en son temps. l'aide, mon tremble.